FSI French Revised, Unit 3, Tape 2. Useful words. Le train part à 13 heures. Le train part à 13 heures. 14 heures. Le train part à 14 heures. 15 heures. Le train part à 15 heures. 16 heures. Le train part à 16 heures. 17 heures. Le train part à 17 heures. 18 heures. Le train part à 18 heures. 19 heures. Le train part à 19 heures. 20 heures. Le train part à 20 heures. 21 heures. Le train part à 21 heures. 22 heures. Le train part à 22 heures. 23 heures. Le train part à 23 heures. 24 heures. Le train part à 24 heures. Ils sont toujours en vacances. Ils sont toujours en vacances. Toujours en retard. Ils sont toujours en retard. Toujours pressés. Ils sont toujours pressés. Toujours en avance. Ils sont toujours en avance. Toujours à l'heure. Ils sont toujours à l'heure. Mon fils rentre la semaine prochaine. Mon fils rentre la semaine prochaine. Le mois prochain. Mon fils rentre le mois prochain. Ce matin. Mon fils rentre ce matin. Cet après-midi. Mon fils rentre cet après-midi. Cette semaine. Mon fils rentre cette semaine. Dans quelques jours. Mon fils rentre dans quelques jours. Dans 10 minutes. Mon fils rentre dans 10 minutes. Voilà le bureau de renseignement. Voilà le bureau de renseignement. Le wagon restaurant. Voilà le wagon restaurant. Le wagon lit. Voilà le wagon lit. Ma couchette. Voilà ma couchette. Mes billets. Voilà mes billets. Un ticket de quai. Voilà un ticket de quai. Du café. Voilà du café. Pardon, monsieur, quelles sont les heures d'arrivée ? Pardon, monsieur, quelles sont les heures d'arrivée ? les heures de départ. Pardon, monsieur, quelles sont les heures de départ? Les heures d'affluence. Pardon, monsieur, quelles sont les heures d'affluence? Lexical drills. Lexical drill A1. Je voudrais louer deux places pour Lille. Je voudrais louer deux places pour Lille. Nous allons. Nous allons louer deux places pour Lille. Il veut. Il veut louer deux places pour Lille. Je peux. Je peux louer deux places pour Lille. Il va. Il va louer deux places pour Lille. Vous pouvez. Vous pouvez louer deux places pour Lille. Je dois. Je dois louer deux places pour Lille. Je vais. Je vais louer deux places pour Lille. Je voudrais. Je voudrais louer deux places pour Lille. Lexical drill A2. Où puis-je retenir mes places? Où puis-je retenir mes places? Changer de train. Où puis-je changer de train? Déjeuner. Où puis-je déjeuner? Être seul. Où puis-je être seul? Prendre les billets. Où puis-je prendre les billets? Conduire mes amis. Où puis-je conduire mes amis? Louer mes places. Où puis-je louer mes places? Faire enregistrer mes bagages. Où puis-je faire enregistrer mes bagages? Retenir mes places. Où puis-je retenir mes places? Lexical drill A3. Les voici. Les voici. Là. La voici. Le. Le voici. Me. Me voici. Nous. Nous voici. Vous. Vous voici. Lexical drill A4. Par celui de 19h30. Par celui de 19h30. 17h30. 17h30. 12h30. 12h30. 14h30. 14h30. 16h30. par celui de 16h30. 13h30. Par celui de 13h30. 15h30. Par celui de 15h30. 18h30. Par celui de 18h30. 19h30. Par celui de 19h30. Lexical drill A5. Je peux vous donner deux coins fenêtres. Je peux vous donner deux coins fenêtres. On peut. On peut vous donner deux coins fenêtres. Je vais. Je vais vous donner deux coins fenêtres. Nous allons. Nous allons vous donner deux coins fenêtres. Je voudrais. Je voudrais vous donner deux coins fenêtres. Il va. Il va vous donner deux coins fenêtres. Je dois. Je dois vous donner deux coins fenêtres. Elle va. Elle va vous donner deux coins fenêtres. Je peux. Je peux vous donner deux coins fenêtres. Lexical drill A6. Pour quelle date? Pour quelle date? Jour. Pour quel jour? Après-midi. Pour quel après-midi? Heure. Pour quelle heure? Moi. Pour quel mois? Soir. Pour quel soir? Semaine. Pour quelle semaine? Date. Pour quelle date? Lexical drill A7. Combien de mal avez-vous? Combien de mal avez-vous? Valise. Combien de valises avez-vous? Frère. Combien de frères avez-vous? Sœur. Combien de sœurs avez-vous? Jour. Combien de jours avez-vous? Place. Combien de places avez-vous? Livre. Combien de livres avez-vous? Café. Combien de cafés avez-vous? Chambre. Combien de chambres avez-vous? Monnaie. Combien de monnaies avez-vous? Fiches. Combien de fiches avez-vous? Lexical drill A8. Où est le bureau de renseignement? Où est le bureau de renseignement? Le restaurant français. Où est le restaurant français? Le wagon restaurant. Où est le wagon restaurant? La gare. Où est la gare? Le wagon lit. Où est le wagon lit? La sœur de Jeannine. Où est la sœur de Jeannine? Le compartiment pour fumeurs. Où est le compartiment pour fumeurs? Ma couchette. Où est ma couchette? Mon billet. Où est mon billet? La femme de chambre. Où est la femme de chambre? Mon amie Jeannine. Où est mon amie Jeannine? Le bureau de renseignement. Où est le bureau de renseignement? Lexical drill A9. C'est ici. C'est ici. En face. C'est en face. À Paris. C'est à Paris. Au premier étage. C'est au premier étage. À côté. C'est à côté. Au restaurant. C'est au restaurant. Au café. C'est au café. À l'hôtel. C'est à l'hôtel. À la gare. C'est à la gare. Ici. C'est ici. Lexical drill A10. C'est 42 francs. C'est 42 francs. 21 francs. C'est 21 francs. 1 franc. C'est 1 franc. 6 francs. C'est 6 francs. 2 francs. C'est 2 francs. 13 francs. C'est 13 francs. 10 francs. C'est 10 francs. 20 francs. C'est 20 francs. 3 francs. C'est 3 francs. 7 francs. C'est 7 francs. 12 francs. C'est 12 francs. 18 francs. C'est 18 francs. 4 francs. C'est 4 francs. 14 francs. C'est 14 francs. 11 francs. C'est 11 francs. 19 francs. C'est 19 francs. 15 francs. C'est 15 francs. 8 francs. C'est 8 francs. 17 francs. C'est 17 francs. 5 francs. C'est 5 francs. 16 francs. C'est 16 francs. 9 francs. C'est 9 francs. Lexical drill A11. Vous pouvez les faire assurer en face. Vous pouvez les faire assurer en face. Les retenir aujourd'hui. Vous pouvez les retenir aujourd'hui. Les louer tout de suite. Vous pouvez les louer tout de suite. Les réveiller maintenant. Vous pouvez les réveiller maintenant. Les remercier plus tard. Vous pouvez les remercier plus tard. Les fermer tout de suite. Vous pouvez les fermer tout de suite. Les apporter plus tard. Vous pouvez les apporter plus tard. Les demander demain. Vous pouvez les demander demain. Les faire assurer en face. Vous pouvez les faire assurer en face. Lexical drill B1. Par quel train partez-vous? Par quel train partez-vous? Arrivez-vous? Par quel train arrivez-vous? À quelle heure? À quelle heure arrivez-vous? Déjeunez-vous? À quelle heure déjeunez-vous? À quel hôtel? À quel hôtel déjeunez-vous? Allez-vous? À quel hôtel allez-vous? À quelle gare? À quelle gare allez-vous? Arrivez-vous? À quelle gare arrivez-vous? Par quel train? Par quel train arrivez-vous? Partez-vous? Par quel train partez-vous? Lexical drill B2. Je peux vous donner deux coins fenêtres. Je peux vous donner deux coins fenêtres. Nous allons retenir. Nous allons retenir deux coins fenêtres. Trois chambres. Nous allons retenir trois chambres. Je voudrais louer. Je voudrais louer trois chambres. Quatre places. Je voudrais louer quatre places. Il va prendre. Il va prendre quatre places. Un ticket de quai. Il va prendre un ticket de quai. Je vais vous donner. Je vais vous donner un ticket de quai. Deux coins fenêtres. Je vais vous donner deux coins fenêtres. Je peux vous donner. Je peux vous donner deux coins fenêtres. Lexical drill B3. Combien de mal avez-vous? Combien de mal avez-vous? Fish. Combien de fiches avez-vous? Voulez-vous? Combien de fiches voulez-vous? Place. Combien de places voulez-vous? Y a-t-il? Combien de places y a-t-il? Livre. Combien de livres y a-t-il? Avons-nous? Combien de livres avons-nous? Billets. Combien de billets avons-nous? Ont-ils? Combien de billets ont-ils? Mal. Combien de mal ont-ils? Avez-vous? Combien de mal avez-vous? Lexical drill B4. Où puis-je retenir mes places? Où puis-je retenir mes places? Prendre les billets. Où puis-je prendre les billets? Quand dois-je? Quand dois-je prendre les billets? Louer les places. Quand dois-je louer les places? Pourquoi dois-je? Pourquoi dois-je louer les places? Changer de train. Pourquoi dois-je changer de train? Pourquoi voulez-vous? Pourquoi voulez-vous changer de train? Déjeuner là-bas. Pourquoi voulez-vous déjeuner là-bas? Quand dois-je? Quand dois-je déjeuner là-bas? Retenir mes places. Quand dois-je retenir mes places? Où puis-je? Où puis-je retenir mes places? Lexical drill B5. Je voudrais louer deux places. Je voudrais louer deux places. Elle va. Elle va louer deux places. Prendre le train. Elle va prendre le train. Nous allons. Nous allons prendre le train. Déjeuner en face. Nous allons déjeuner en face. Je voudrais. Je voudrais déjeuner en face. Aller à Paris. Je voudrais aller à Paris. Vous pouvez. Vous pouvez aller à Paris. Avoir un coin fenêtre. Vous pouvez avoir un coin fenêtre. Je voudrais. Je voudrais avoir un coin-fenêtre. Louer deux places. Je voudrais louer deux places. This is the end of tape 2, unit 3.